Oh oui, se dit Eugène, oui, la fortune à tout prix. Des trésors ne paieraient pas ce dévouement. Je voudrais leur apporter tous les bonheurs ensemble. 1 550 francs, se dit-il après une pause. Il faut que chaque pièce porte coup. L'or a raison. Nom d'une femme, je n'ai que des chemises de grosse toile. Pour le bonheur d'un autre, une jeune fille devient rusée autant qu'un voleur. Innocente pour elle et prévoyante pour moi, elle est comme l'ange du ciel qui pardonne les fautes de la terre sans les comprendre. Le monde était à lui. Déjà son tailleur avait été convoqué, sondé, conquis. En voyant M. de Trailles, Rastignac avait compris l'influence qu'exercent les tailleurs sur la vie des jeunes gens. Hélas, il n'existe pas de moyenne entre ces deux termes. Un tailleur est ou un ennemi mortel ou un ami donné par la facture. Eugène rencontra dans le sien un homme qui avait compris la paternité de son commerce et qui se considérait comme un trait d'union entre le présent et l'avenir des jeunes gens. Aussi Rastignac reconnaissant a-t-il fait la fortune de cet homme par un de ces mots auxquels il excella plus tard. Je lui connais, disait-il, deux pantalons qui ont fait faire des mariages de 20 000 livres de rente.